Jean-Marie vit au Luxembourg où il est né en 1962. Il a habité pendant 2 ans en Israël et 9 ans en Irlande du Nord. Il est marié, père d'un garçon. Il travaille depuis 1998 en tant qu'enseignant indépendant de la langue luxembourgeoise. En 2012, il a obtenu un master dans le programme Apprentissage et développement à l'Université du Luxembourg. Son travail de recherche a porté sur les processus d'apprentissage dans le cadre d'un cercle d'études collaboratifs. Ses centres d'intérêt en matière de recherche se portent actuellement sur la manière dont les valeurs influencent les processus décisionnels collectifs. Pour lui, l'humour et la joie de vivre font partie intégrante d'une vie équilibrée et pleine de sens. Une vie remplie d'amour.